je suis de celles qui sont déjà tombées. J'ai mangé le sol, mais je me suis relevée. Je suis la glace et le feu, toutes leurs promesses, je m'en fous. Je veux bien souffrir, mais pas mourir à genoux. Je ne veux que donner, même quand je n'ai plus rien. Je ne sais que rêver, en de meilleurs lendemains. Je ne veux que donner, même quand je n'ai plus rien. Je ne sais. Donner, même quand je n'ai plus rien, je ne sais que rêver, en demi.